sur les ondes de CKRL 89.1. Pis c'est pas pantoute la même pub que v'là 2 ans. Bonsoir les amis, c'est l'émission Terra Incognita avec Bruno, France et Jean-François, et nous sommes là de 22h à minuit, et nous avons une belle nouveauté cette semaine. Huis. Ben oui, le groupe Huis, et on dit Huis parce que c'est Michel Saint-Père qui nous a dit qu'on disait Huis, mais lui-même a publié sur Facebook cette semaine que au début du groupe, il avait publié qu'on disait House, mais c'est du néerlandais. Et bon, là, il dit les Néerlandais nous disent que c'est pas comme ça que ça se prononce. House, c'est une maison. Oui, mais Huis veut, en tout cas. Mais nous, on a une amie belge là, qui nous a dit que ça se prononçait plutôt genre Huis, comme œil, là. Huis. Huis. Fait que, mais on se cassera pas la tête avec ça. On va faire comme Michel Saint-Pen le dit. Ben, ça va être Huis. Et donc, ce nouveau disque s'appelle Abandoned. Et ben c'est tout nouveau. Les gens ont commencé à les recevoir là, vers le milieu de la semaine. En ce qui te concerne, ben c'est arrivé jeudi. En ce qui concerne Québec, parce qu'à Montréal, c'est moins loin. Oui, ça arrive pas à pied quand non. même. Là. Et ben je pense qu'à peu près tout le monde, d'après ce qu'on a pu voir, a pu au moins l'entendre cette semaine. Eh bien, on va en entendre au moins deux extraits. Toi, tu voulais entendre Are No Alone? Oui, la pièce avec Serge Lecas. Oui, puis je l'avais vu à l'intérieur, toi aussi. Tu avais vu que Serge Lecas, il participait. Puis quand j'ai entendu celle-là, moi aussi, ça m'a fait penser à Serge Lecas. Il y a une façon de jouer du piano là, qui est typique à ce grand monsieur de Harmonium. Et bien, à part de ça, il y a le festival qui va très bien. Quasiment trop bien. Oui, non, on ne dit pas quasiment trop bien. Bien, pour les retardataires. Oui, pour les retardataires. Ceux-là qui ne vont pas, qui n'ont pas acheté de billets pour le vendredi soir. Ceux qui comptent sur la porte, là. Ceux qui comptent sur la porte, faites vite, parce qu'il reste 7 billets. Ça serait formidable que cette année, le festival soit complet les 3 journées. Je pense que Michel pourrait dire mission accomplie cette année. Oh, il peut le dire quand même. Il peut le dire quand même. Tu dis 7 billets, mais c'est 7 billets pour le vendredi seulement. Pour le vendredi, parce que les 2 autres journées, c'est complet. Bon, fait que c'est pas loin du sold out. Oui, c'est pas loin du sold out. Parce que là, quelques jours, il en reste à 15. Fait que là, il en reste seulement 7. Ben, c'est une bonne chose. Fait que dépêchez-vous. Ben, seulement pour vendredi. Oui. Donc, vendredi, c'est Bjorn Riss et Oak. Très belle soirée. Oui, belle soirée. En perspective. Et pas cher. Et pas cher. Ce qui vaut quand même la peine de spécifier. Oh oui. Et ben aujourd'hui, en ce qui concerne les potins, c'est l'anniversaire d'Alan Charles de Existence. Et ben c'est de valeur parce que ma feuille de route était toute complétée, là, mais disons que dans la prochaine émission, on devrait mettre une pièce de Existence, là, qui j'en ai écouté un petit peu quand même tantôt. Et dans la prochaine émission, on devrait en avoir. Puis, ben, comme ce sera après le festival, aussi, on devrait faire le plein là, de certaines nouveautés. Mais pour l'instant, il va avec Wiss. Il y aura aussi du Red Sun. On a reçu, lors de la dernière émission, toi, tu n'étais pas très bien portante, donc tu étais absente. Là. Oui. Il faut bien se reposer de temps en temps. Des beaux effets secondaires. Ben, c'est ce qui arrive, oui. Et ben c'est ça. Simon est venu nous parler de Red Sun et nous présenter ce nouveau disque là, qui s'appelle Forsaken, là, qui est très bon. On va en écouter un autre extrait. En fait, on en avait eu deux. Là, ça va être le troisième. Et on a aussi une autre belle nouveauté, Jellyfish, mais seulement dans le deuxième bloc, parce qu'on va terminer le premier avec un retour sur Symbiose, leur deuxième album. Donc, on y va avec, ben, c'est tout du québécois, en fait, compte, hein? Wiss, Red Sun et Jellyfish. Ben oui. So alone. no regrets at all that I've done. I gave all that I had. I want you to crown. Still feel so alone, my friend, feel so

How do I feel in my new world? Something in every mind that we can touch together. How do you feel in your life? How do you feel alone? How do I feel? Somehow I say goodbye to all that in my life. Now, how do you feel in your love? You're l'amour est mon... mon seul espoir de retrouver le chemin. Samedi, le 18 mai, nous avons de la grande visite à la brasserie artisanale La Korrigane. Amateurs de grands crus, Hopfenstark prend le contrôle de nos lignes. En exclusivité et pour une première fois à Québec. Hopfenstark, la microbrasserie québécoise au goût du monde, débarque en ville avec 11 bières qui raviront vos papilles. Une chance unique de goûter les produits d'une microbrasserie qui se démarque à l'international depuis plus de 10 ans. Tap Takeover de Hopfenstark à La Korrigane. Samedi le 18 mai dès l'ouverture. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. Cet été, sortez au cinéma Le Clap. Avec La Bonne Clap, voyez 5 films pour seulement 44,95. Disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville. L'offre prend fin le 30 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Et c'était Jellyfish, retour en arrière avec l'album Symbiose, leur deuxième. Et tout ça, ben, c'est pour introduire, comme au dernier jour, le nouveau disque qui vient de paraître, mais seulement qu'en format numérique. Oui, c'est ça. Donc, pas de format CD comme c'est habituellement le cas. Sauf que peut-être qu'éventuellement, comme Alex Henry Foster de Your Favorite Enemy avec Window in the Sky, ben, le CD est maintenant disponible. On a su ça cette semaine. Et ben, il sera au Festival de Jazz le 5 juillet au Club Soda. Et bien, c'est un membre de Your Favorite Enemies. Puis, il avait été question de lui beaucoup au mois de décembre, même au mois de novembre. Hein, on disait que son projet solo du chanteur, qui était premier même devant Muse, Ginette Renaud qui venait de sortir un disque, Marie-Mé, Imagine Dragon, c'est quand même des gros vendeurs de disques. Il se retrouvait quand même en avant de ça. Mais pour en revenir à Jellyfish, pour l'instant, oui, c'est disponible seulement qu'en numérique. Et juste avant, c'était Red Sand qui a fait belle figure en Allemagne. Simon est très content de l'accueil qu'ils ont eu là-bas. Et on avait débuté avec 8C. On va en entendre un autre extrait, mais dans le troisième bloc. Pour l'instant, on commence le bloc avec Jellyfish. Il y aura aussi le nouveau Mute God, Atheist and Believer. On va en entendre un extrait. Il y aura Wrist March. Et on fait un retour avec Is, leur album I Move. Et je vous dirai après pourquoi. Donc, on y va en musique avec Jellyfish. We'll be right back. Life is but a chemical reaction. sinister city. Dans le cadre du 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Tyshawn Sorey en trio avec Chris Tordini et Corey Smith le dimanche 19 mai à 15h en première canadienne. Soyez des nôtres pour un voyage sonore comme on en trouve rarement, sauf à Victoriaville. Pour informations et réservations, visitez le fimav.qc.ca. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animées par des spécialistes et des passionnés. Mélanie Florent nous dévoile la face cachée de la marginalité en invitant des gens qui assument leurs différences sociales. Les différents, le vendredi, 9h. C'était le groupe américain Is avec leur album I Move, la pièce titre. On met du Is premièrement parce qu'ils vont être au festival. Au festival Terra Incognita. Ils sont en train de préparer un nouvel album, oui. Je pense. Puis il va sortir. En fait, il va être une primeur là, pour le festival. Et juste avant, c'était Harry's March avec October After Fall. On a entendu la pièce de Summer Day. Juste avant, The Mute Gods, leur nouvel album qui s'appelle Atheist and Believer. La pièce est One Day. On avait débuté par Jellyfish comme au dernier jour, album numérique. Là. La pièce, c'est Fenêtre ouverte. Et vous avez sans doute entendu des petites références à Pink Floyd, là, comme le synthétiseur qu'on retrouve sur On the Run, là, puis à d'autres endroits aussi, un peu plus subtil. On parle concert. On parle concert. Aujourd'hui, je vais parler encore du festival parce que ça s'en vient dans environ 2 semaines. Deux semaines juste. Un peu moins parce que ça commence ça. Vendredi. Fait que le 17 mai, c'est Oak avec Bjorn Riis. Le 18 mai, c'est Basta, Is et Airbag. Le 19 mai, Inner Odyssey qui ont dû remplacer Inner Space. Fido, Finistère. Ensuite, on s'en va au 14 mai, qui est à Riverside, à la salle Sylvain Lelièvre, au cégep Limoilou. Le 1er juin, c'est Prague Story au Palais Montcalm. Le 31 juillet, pour ceux qui s'intéressent, c'est d'Aristocrate au Dauteuil. Ensuite, à la salle Jean-Paul Tardy, Arena le 10 août. On a une belle date de confirmation. Le 3 septembre, c'est, je le prononce pas comme il faut, là, Tears Hold au Bûcher. Très chaude. Très chaude, oui. Le 15 septembre, Steve Hackett au Grand Théâtre. Le 26 novembre, au Palais Montcalm, c'est The Pineapple Thief avec Gavin Harrison. Le 1er novembre, c'est Kansas au Grand Théâtre et que j'ai tellement hâte de voir. Et c'est fini pour cette période-là. Et pour le prochain bloc, pour faire référence encore à Iz, je vous avais parlé la dernière fois d'un groupe là, qui s'appelle Dizzy Mystics. Et ce groupe-là vient de Winnipeg. Ben oui, il y a du prog au Canada, en dehors de Toronto et de Québec. Et ben, ce disque-là, moi, je le trouve bien le fun. Il s'appelle Wanderlust. On va entendre la pièce titre là, qui clôt l'album. C'est la plus longue aussi. C'est une pièce de 11 minutes. Mais ce groupe-là fait pas du prog à la Genesis. Là. Moi, je trouve que c'est un... Les références les plus proches, c'est à quelque part entre Iz, à cause de la voix par moment, mais moins symphonique que Iz, et aussi Bubble Bat, là, deux groupes américains, qui font du prog en se foutant un peu d'enfer. Là. C'est pas le but. Là. Ils font leur musique. Et puis ce disque-là est vraiment intéressant. Donc la pièce qu'on va entendre s'appelle Wanderlust. Et ce sera suivi d'un deuxième extrait de l'album de Wiss qui s'appelle Abandon. On va entendre la pièce Caducée. Et je me demandais si c'est en français ou en d'autres langues, là, mais il y a un accent. Donc, c'est en français. J'ai fouillé dans le dictionnaire et caducé, bien, ça veut dire baguette de laurier ou d'olivier surmontée de deux ailes et entourée de deux serpents entrelacés. Et puis là, il marque en parenthèse, c'était notamment un attribut d'Hermès. Et comme deuxième définition, attribut des corps de santé composé d'un faisceau de baguettes autour duquel s'enroule le serpent d'Épidaure et que surmonte le miroir de la prudence. Ben oui, c'est assez ésotérique. Mm-hmm. Donc, trêve d'ésotérisme et allons-y avec Dizzy Mystics et Huss. Still I try. Slowly descending through the nose out of the Drop us a wine in the So long ago, CKRL. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Chamboule-tout, des histoires inventées, Free Solo, L'homme dauphin sur les traces de Jacques Mayol, Long Shot, Mon bébé, On a 20 ans pour changer le monde, L'or vert, La petite mort, Programme Kino Québec, Rêveuse de ville, Les sentinelles, Sur les toits Havane, The Brink, Un bon coup et Zéro phyto 100% bio. Et au Clap Loretteville, Carmen Street Guitars, Empathie, Ensemble, Gaza, Hail Satan, Long Shot, Mon père et sa mélancolie, On a 20 ans pour changer le monde, On fait tout du show business, Red Trees, Snowbirds, Ugly Dolls, Un bon coup, Un homme sage-femme, Le vieil âge et l'espérance et Ziva Postek, la monteuse. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! Et c'était Huys. Et le nouvel album qui s'appelle Abandoned. On a entendu la pièce Cadoucé. Et avant, c'était Dizzy Mystic, un groupe canadien de Winnipeg, avec leur album Wanderlust. On a entendu la pièce titre. Un très, très bon album. C'est un de mes préférés ces temps-ci. Et on poursuit avec Rufus, c'est un groupe des années 70, mais qui vient d'être édité sur le label Charisma. L'album s'appelle Newborn Day, on va entendre encore là la pièce titre. Et ce sera suivi de Professeur Tip Top, un autre Norvégien, un drôle de nom. Oui. Hybride hymne. On entendra Machine Emotion et ensuite ce sera Atlas Empire. Ça, c'est un groupe écossais. Donc, on y va en musique avec Rufus. Thank you.

sont les Écossais de Atlas Empire. Ils étaient à Montréal où ils sont, en tout cas dans ces temps-ci. Là. L'album s'appelle The Stratosphere Beneath Our Feet, on a entendu. Hostess, et juste avant, le magnifique nom, Professeur Tip Top et Brid Hymn, on a entendu Machine Emotions. Et on avait débuté avec Rufus, un groupe des années 70 et 73, si je ne me trompe pas. Et ça a été réédité récemment, donc la pièce titre Newborn Day. Ben, c'est déjà presque tout pour en ce qui nous concerne. Donc, faut pas oublier... 47. Et faut pas oublier le festival Terrain Incognita. Ceux qui ont des billets, n'oubliez pas de vous y rendre. Oui! Ceux qui en ont pas, ben... Désolé, ça sera pour l'année prochaine. Mais juste avant, on va écouter un peu de Björn Riss, il nous reste juste assez de temps pour ça. C'est de l'album précédent qui s'appelle Forever Comes to an End. On va entendre justement la pièce titre là, qui rouvre cet album-là. Donc, on termine l'émission avec Björn Riss et restez à l'écoute pour l'autoroute avec Jacques Dulac. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Terra Incognita. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. I'm all-